vers le centre, la conque de lune, égarée sous l'onde, fluide indigo, au léger ressac, proche de l'apparition. Douce note.